sort les armes. Lumière, pépère, repart à la guerre. Nique ceux qui de nos naissances ont les nerfs. Une partie en main se rebelle. Réclame justice, aux 20h attend les bandes nouvelles. Voit la populace, les mains en main, sont marre de toujours faire des sacrifices. Puis selon tes crises, prenons sous ta liste notes. Baltring, serre-toi tes menottes. Cauchemar, attends-toi tout moment que mes négros sont à ta porte. Salope, galope, esquive ma calope, pellet, galope. Je sais qu'on peut changer le monde avec un coup de crayon. Hypocrisie, misérie, c'est pas mon rayon. Lèche pas les poules, préfère les haillons. Lion, fils de Zion, je te baillonne. Bamboclat de Babylone, pas lourd sur le macadam, prince de Paname. Alarme, l'homme à l'instinct animal maîtrise la gamme. Aucun de vous ne peut échapper à ce vacarme. Chacun a une chance. Pourquoi tant d'indifférence? Suis-je né pour en souffrir autant? Chacun a une chance. Pourquoi tant d'indifférence? Suis-je né pour en souffrir autant? How many men is dying looking for million? How many women dying looking for million? How many girls dying looking for million? How many men is dying looking for? I got a 36 grand in my pocket outside, raining hard sunshine. I'm already downtown. I parked my car too far. I turn my light on and off and look to this one. This guy, he was a crime. I'm trying to talk to him to make him feel fine. Now tell me the story. Tell me the story. Then I can understand when I see the way you stand. One finger cannot wash your face, but one bottle hand can save me every race. How many women is dying looking for million in peace? Sommes-nous des poumas, le destin dans le flou, les poches longtemps désertées par une vieille connaissance, me se fout. Qui sur le boulevard de la vie joue ma mélodie, panoplie de corps d'hommes, tiens debout, des acteurs m'en fous, bambou, tiens le bambou, surtout ne pas se morfondre, rien confondre, ton fort, les miens me sont des grands reconforts, mon tort, habiter la banlieue, cramer ce soir 10 bougies. Premier vœu, voir grandir ma fille, yes elle ne veut, canalise, économise, banalise, minimise, bémol, mais à coup pas.